Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission préférée, sur votre radio préférée. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui, bien sûr, pour vous présenter cette belle émission qui parle d'accordéon et de chansons françaises. Bonjour monsieur Christophe Pesset. Bonjour à toutes et à tous, bonjour monsieur Hubert Ledan. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et bien très moi bonne. Je suis prêt dans les starting blocks pour passer une heure à vos côtés pour écouter bien sûr de l'accordéon, mais aussi de la chanson. Eh bien tu m'envoies ravi Christophe, on va bien sûr écouter les meilleurs accordéonistes. On commencera même avec un ancien maintenant, on peut le dire, c'est un pilier de l'accordéon. Il s'agira de monsieur Michel Pruvot. On retrouvera dans cette émission plein de belles interventions avec par exemple Alain Musichini, Marcel Azola, le Baïkal Duo, André Gilles Forestier, enfin beaucoup de choses à écouter tout au long. Il y aura même Arlette bien sûr qui nous chantera quelques petites chansons. Allez, je vous parlais donc de Michel Pruvot. Voici, pour commencer, j'allais hésiter un petit peu, hein, j'allais dire une rumba. Eh ben non, là c'est une version boléro de cette chanson. Ça s'intitule « Danse avec moi ». Et puis juste après, on retrouvera le célèbre Marcel Azola avec la valse à Marcel, tout simplement. Allez, c'est parti. Bravo. À présent. Dansez maintenant. Thank you. Sorgia. Alors là, c'est une version d'un Libertango que j'adore, interprété par le Baïkal Duo. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Allez, on écoute. Alors on passe dans une ambiance totalement différente. Voici André-Gilles Forestier, un medley de samba. Thank you. Georgia. On en parlait avec Christophe au début de l'émission. Voici Alain Musichini. Ça, c'est de la valse. Et c'est le titre en plus. Thank you. Allez, juste avant, on a entendu le Jardin secret interprété par Alberto Garcia et voici maintenant Alexis Ballandier avec ce Madison qui s'intitule Envie de Madison. Thank you. On écoute maintenant Fascination, interprétée par Aimable. Et juste avant, c'était André avec l'accordéon en fait. Voilà, une belle ambiance dans cette émission aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous propose chaque semaine, bien entendu. Allez, c'est parti. On écoute Aimable. maintenant sur Sangia FM, Hubert Ledon. Les femmes sont faites pour qu'on les aime, c'était Andrew. C'est une chanson à l'origine de Monsieur Franck Michael, bien sûr. Voici justement une femme qu'on aimerait écouter plus souvent. Voici Angélique avec ce plaisir musette. Et puis on enchaînera justement avec un petit tour en montagne avec la charmante Arlette. Maintenant sur Sangia FM, Hubert Ledent. Il aurait pu s'agir d'une samba, mais pas du tout. Voici Aurélien et son orchestre et Soleil brésilien. C'est juste magnifique. C'est une photo, une vieille photo, je me souviens. Un album rangé au fond du grenier. Toi et moi, jeune et beau, il faisait si chaud. Soleil brésilien, on était si bien. Encore unis, corps endormis. Viens, mon soleil, toi que j'attends chaque jour. Allume mon réveil, reviens-moi, mon amour. Toute une vie, c'est bien court. Le temps passé court. Et la belle photo, je le sais bien, finit par faner au fond du grenier. Avec tous les espoirs, les vieux au revoir, les derniers baisers, les premiers parfois, les premiers émois, couleur baïa. J'ai connu un jour qui brûlait mon réveil de mille mots d'amour. Toute une vie, c'est si court. On a, c'est certain, tous une photo soleil brésilien. Un album rangé au fond du grenier avec un souvenir. Dans nos vies sereines, qu'on aime quand même, mais sans bohème. Viens, mon soleil, toi que j'attends chaque jour. Allume mon réveil, reviens-moi, mon amour. Toute une vie, c'est bien court. Bien sûr, et on va en profiter puisque c'est un peu le même thème finalement. Voici une version de Mélodie France des Vieux Mariés de Michel Sardou. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir, il me vient une idée. Si l'on pensait un peu à nous, un peu à nous. On s'est toujours beaucoup aimé, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous. On habiterait à l'hôtel, on prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir il me vient des idées. Ce soir il me vient des idées. On a toujours bien travaillé. On a souvent eu peur. Pas y arriver.

Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Il nous reste le temps d'écouter un dernier titre, Christophe. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité à notre émission. Mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. Allez, un dernier titre. Dansez maintenant. Et on se quitte avec Alain Musichini. Ah ça déménage, on y va. Et à la semaine prochaine.